ne sont jamais revenus. Victime de la peur, fou mais jamais prévenu. Une patrouille a encore cédé. Le self-control, c'est pour qui? Pour les PD. Le chef qu'on trouve pété au sky, aucun pour le signaler. Bien au contraire, l'officier ne fait que simuler. S'ensuit un enchaînement d'insultes, puis un comportement digne d'un fils de pute. Fidèle à la coutume des djinns, seul principe, rester vivant jusqu'au bout du trip. L'uniforme coïncide à la fermeté, aussi assermenté qu'un colonel en train de poireauter. Comme Colin Powell, le gouvernement a décidé de faire la chasse au garnement. Regarde nos membres, finissent par craquer. 2005, il y a eu des flammes dans ce mois de novembre. Des femmes en cloques de gang, des poids coques, Zahel face à des bandes de coques. État de choc, c'est hoche les portes, ne veulent plus s'ouvrir. Les souvenirs d'une pute d'époque où j'ai vu souffrir mon proche entourage, des larmes et plusieurs soupirs. L'orage en plein doute, l'énergie qui s'évapore, leur scope qui zoome sur nos corps. Cette mort m'escorte, ainsi que celle des forces de l'ordre. J'ai force de mort, cette chaîne de life, les stores baissés, dehors c'est mort. T'es mort, y'a que des baisers qui tranchent la gorge. Pour un regard, tu te retrouves piégé. La faune, c'est ça, la zone, c'est moche. Aucune caméra, y'a pas de synode, aucun scénario. Pour une go, une débauche, des forts en trop. Des gosses s'écroulent, je décoche une basse source de détresse. En plus de subir, il faut que je déstresse. Hein? Il faut que je décroche, il faut que je te le dise, tu me chauffes, je t'agresse. Fique tout, violence urbaine. Tout part d'un contrôle de mauvaise foi. Si on part d'une voix, on part d'une balle perdue. La France déçoit. Quand tout s'embrase, elle nous embrasse. À la moindre case, le moindre drame. Et cette garce te dépouillera. Même à bout, tu te dépouilleras. Car tu n'es pas né sur des draps en soie. Non, non. Tout part d'un contrôle de mauvaise foi. Tout part d'une flamme. Tout part d'une balle perdue. La chance n'est pas. Violent sur peine. Ça part en couille dans tous les domaines. Deux frères de Vichy sont tombés. Sarko Argenteuil City, c'est la goutte qui a fait tout déporter. Les jeunes sont venus borner. Cagoulés en boîte chaque tour. Et ça défie chaque Smith dans les alentours. Une centaine de véhicules incendiés. Violent sur peine. Dans chaque département français. Comme si on était de la crasse. Ils veulent nous nettoyer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on est des milliers. Et on va tout broyer. 15 000 consécutifs d'affrontements. En simultané, pour voir la France qui part en yoku, sans valer le coup. Problème d'intégration, d'immigration, toujours autant d'arrestations. On est tous concernés, aucune bonne action apportée. Juste une centaine de CRS implantés à chaque carrefour. Les médias n'ont pas arrêté de gonfler. Leur but c'était de faire durer les émeutes afin d'avoir de quoi parler. Je suis enragé face à des politiciens qui nous considèrent comme rien. Ça fait des années que vous connaissez la vie en banlieue. Et on ne vit toujours pas mieux. Du taf, y'en a pas pour un noir comme moi. Liberté, égalité, fraternité, j'y crois plus. Descendez dans les rues et on paralyse tout. Pas de phéno et dédicace à tous les émeutiers interpellés. Et de les avoir fait trembler. En Seine-Saint-Denis, ça tire à pas le réel. Ça montre à quel point ça les a touchés. Mais fixez tous des meurtriers. Chaque jour je croise le regard de la BAC. Énervé de pas m'avoir pris les mains dans le sac. La télé étrangère compare nos activités à des scènes de guérilla en Bosnie. Bart Feno, Fictou, sans neurones strictes.